people. Bunkerball Radio Show. Salut à tous, c'est le Bunkerball Radio Show. 22h minuit, ce soir c'est la première avec Marvi Da Pimp et Don Remini, moi-même. On se retrouve un mardi par mois, le deuxième mardi de chaque mois pour l'émission. Au programme ce soir, des mix, des tracks exclusifs et des coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est le coup de cœur de Bunkerball, le remix d'Enzo Siffredi qui n'est pas encore sorti et qui devrait bientôt sortir sur le label. Don Remini, Loop Da Loop, le Enzo Siffredi remix. Restez verrouillés, vous êtes bien sur Ins France. Très acide remix d'Enzo Siffredi qui devrait sortir sur la compilation Remixed Volume 2 sur le label prochainement. Don Remini, Loop Da Loop, Enzo Siffredi Remix. Et tout de suite, on va passer au coup de cœur de Don Remini, c'est-à-dire moi-même, mon petit coup de cœur, mon petit chouchou du mois. Restez verrouillés, vous êtes bien sur Rins France. Bunkerball Radio Show. Alors, mon petit chouchou du mois, c'est Ty Davis, sorti sur le label Top Billin'. Ce morceau m'a rappelé le morceau de Paris Mitchell, All Night Long, pour ceux qui connaissent, avec des paroles salaces, des dirty lyrics. Un truc qui se prend pas au sérieux. Un truc marrant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait marrer. Vous pouvez chanter, restez verrouillés. Le morceau s'appelle Suck My Dick. I don't normally talk to you this way, but I know you do it any given day. Can't believe the way you make me feel. Girl, you're so incredible when handling the steel. Man, it's hard to keep this to myself, 'cause you know you satisfy me like no one else. Never had a lover quite like you. Girl, you're spoiling me. Now all I want you to do. Tout le monde a compris. Ty Davis, Suck My Dick sur Top Billin'. C'est le premier coup de cœur de Don Remini, mon premier coup de cœur du mois. Voilà, maintenant on va passer au mix. Premier mix de la soirée, Don Remini. Et pendant la deuxième heure, je vous laisserai entre les mains de Marvi, Marvi Da Pimp, Marvi le magicien, Marvi le magnifique, Marvi le fabulous. Bunkerball Radio Show. Je voulais remercier aussi toute la team à Rins France, un gros big up à Manaré, Laurent et tous les techniciens. Merci de nous avoir ouvert les portes de la radio. We are in the building and nothing can stop us, comme dirait le slogan du label. On se retrouve une fois par mois, 22h minuit, tous les seconds mardis du mois pour l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, / Bunkable, BUNKABA2L. La deuxième heure, ça sera avec Marvi pour une heure de mix. Et là, maintenant, c'est à moi. take the roof off the mother sucker. What happened? Some crazy shit.

I'm back. Hey! Turn it up loud. We'll be right back. tipping, I need hustle so much cheek. If you want me tipping, I need hustle so much cheek. If you want me tipping, I need hustle so much cheek. If you want me tipping, I need hustle so much cheek. If you want me tipping, I need hustle so much cheek. Music from the heart. C'est ce qu'a dit Steve Mac. Steve Mac avec son nouveau projet Death Machines. Et le morceau s'appelle Check It. Pendant cette petite heure, vous avez pu écouter mon dernier EP qui est sorti le 12 octobre. Des morceaux de Denis Quinn, de Godsum, de Vangelis Kostoxenakis, un peu de Samuel L. Session, etc. Retrouvez toute la playlist sur le Twitter ou sinon, vous demandez à Marvi. C'est à Marvi maintenant. Deuxième heure avec Marvi. Avec des coups de cœur et aussi un mix. Voilà, c'est à toi, mon petit Marvin. Bunkable Radio Show. You in the mix with Marvelous Marv. Got my mind.

It's time for the percolator. It's time for the percolator. move your body. Jerk, jerk, jerk. Thank you. Bunkable Radio Show. Et voilà, c'était la première du Bunkable Radio Show. Merci à Marvi pour ce petit mix d'une heure. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mardi 13 novembre pour une prochaine émission. Le morceau qu'on entend, la toute fin, c'est un morceau de Woods qui s'appelle Say No to Pollution et qui est sorti sur le label, sur la compilation Super Loto. Voilà, je vous laisse avec la prochaine émission. Restez verrouillés, vous êtes bien sur Rins France et dites non à la pollution. Yeah.